professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Dans l'aggravation de la crise égyptienne, le Quai va-t-il jouer double jeu? Comment l'Angleterre a-t-elle pu se croire en légitime défense? Pourquoi les Français partent-ils à Port Saïd? Pourquoi l'Égypte déclare-t-elle de facto la guerre à la Grande-Bretagne? Qu'est-ce que la révolution ourabiste? Pourquoi Ourabi réunit-il une assemblée générale des notables? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, poursuit son cours pluriannuel consacré aux provinces arabes de l'Empire ottoman. Cette année, il met en valeur le grand tournant impérialiste et nationaliste des années 1880 et il nous propose un récit au plus près des hommes, des courants et des événements de la crise égyptienne de 1881-1882. Hier, nous avons découvert les tensions entre les Levantins, ces populations grecques, maltaises, haïes des Égyptiens, et les troubles d'Alexandrie du 11 juin 1882. Dans son ouvrage « Les Orientales », Henri Laurence présente le contexte et les acteurs de cette crise internationale. Et je le cite. « La situation s'aggrave en Égypte. En dépit d'un accord de façade entre le Khedive et le Parti national, la déposition du premier reste à l'ordre du jour. La prédiction allemande se révèle juste. Dervish Pacha, l'envoyé ottoman, est incapable de ramener l'ordre en Égypte. La conférence des ambassadeurs se réunit à Constantinople pour étudier la question d'une intervention armée ottomane en Égypte. Mais le sultan résiste à cet engrenage. Aujourd'hui, nous voici face à la Grande-Bretagne qui se croit en légitime défense pour protéger ses intérêts. Henri Laurence poursuit son récit. Et je le cite, « L'Angleterre choisit la politique de la force que la France refuse de suivre. » Les navires français se retirent pour prendre position devant Port Saïd, au débouché du canal de Suez, et laissent seuls les Britanniques bombarder Alexandrie le 11 juillet 1882. Le 15 juillet, les troupes britanniques débarquent à Alexandrie. Commence alors une nouvelle phase dont la mesure majeure sera l'abolition de l'usure des Levantins, cette pratique de la dette sur les paysans égyptiens du Delta. C'est la révolution ourabiste que nous découvrons ce matin, et Henri Laurence souligne que le terme de « révolution » a été retenu par la postérité, mais très peu utilisé par les contemporains. Alors découvrons comment l'Égypte se retrouve de facto en état de guerre face à la Grande-Bretagne et le rôle joué par l'amiral Seymour. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 11 janvier 2017 pour le cours d'Henri Laurence « Les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe, le bombardement d'Alexandrie et la révolution ourabiste ». Le consul britannique Mallette tombe malade de malaria et doit être évacué en Europe. Alors certains soupçonnent une maladie consulaire, enfin, mais il semble qu'il soit réellement malade et que c'est un coup de malchance, ce qui fait qu'il n'y a plus que le contrôleur financier britannique Colvin qui est en place, mais celui-là est vraiment totalement hostile au mouvement national est encore plus intransigeant. Le problème, comme le dit l'amiral français l'amiral Conrad, c'est que on a bien les navires de guerre, mais on n'a pas de soldats. Donc, on ne peut pas débarquer des forces à Alexandrie. À Londres, c'est la confusion la plus totale dans le gouvernement britannique. Et là encore, il faut noter que c'est l'aile gauche du gouvernement libéral, c'est-à-dire les radicaux, comme Dilke et Chamberlain, qui militent le plus activement pour une intervention militaire en Égypte. Vers le 20 juin, Gladstone est toujours plutôt partisan d'une intervention ottomane, mais le discours des radicaux est de dire que ce qui est en jeu, c'est plus la dette égyptienne, c'est le prestige de l'Europe, et que si on a cédé, si on cède devant les Égyptiens, on sera obligé de céder devant tout le monde par la suite. Et il faut assurer la sécurité du canal de Suez. Donc il n'y a pas de décision qui est prise à Londres parce qu'il y a une division du gouvernement britannique. Ce qui va se passer, c'est la marge de manœuvre laissée au commandant de la marine britannique en Méditerranée, qui est maintenant en poste devant Alexandrie, Sir Beauchamp Simon, comme le note l'ambassadeur de France à Londres, le 16 juin, Lord Granville m'a également prévenu qu'il avait fait savoir à votre excellence par l'intermédiaire de l'Orléans, qui est l'ambassadeur britannique à Paris, que le commandant en chef des forces navales anglaises avait été autorisé à prendre, en cas d'événement grave, toutes les mesures nécessaires, y compris la mise à terre de compagnies de débarquement. Et donc l'ambassadeur de France comprend dans l'affaire que les radicaux sont en train de préparer une intervention qui n'a pas encore été décidée officiellement à Londres. D'ailleurs, ce qui ne trompe pas, c'est que Londres commence à prendre la décision d'envoyer des détachements militaires à Malte au cas où. Donc on va commencer à embarquer des soldats britanniques à destination de Malte, puisque Malte est une possession britannique, comme tout le monde sait, depuis 1801, quand les Anglais nous l'ont pris. Nous les avons pris en 1798, à l'ordre de Malte. Bon, nous sommes restés que 2 ans. Donc, selon Blount, dans son histoire secrète, Gladstone aurait pris sa décision définitive dans la dernière décade de juin 1882, mais les archives sont plus évasives sur ce point. On trouve des affirmations dans les archives comme la nécessité de maintenir le prestige britannique et européen, la protection du canal de Suez, la menace pan-islamiste qui risquerait de s'étendre jusqu'à l'Inde, mais on n'a pas de décision. Blount obtient la publication d'une lettre dans le Times le 23 juin dans laquelle il s'en prend aux représentants britanniques en Égypte, tandis que l'opposition menée par Lord Salisbury marque qu'il est sans exemple dans l'histoire de la Grande-Bretagne que des Anglais soient massacrés à la portée des canons d'une flotte anglaise. Nous ne pouvons renoncer à ce qu'il soit fait droit à cette demande, la déposition de Rabi, sans porter atteinte à notre autorité en Orient, aux Indes, au Japon et en Chine, dans le monde entier enfin. Notre puissance a été respectée parce que nous l'avons exercée. Mais si l'on s'aperçoit que nous manquons d'énergie, nous descendrons rapidement de cette pente qui mène de l'Empire au mépris. Dans le langage d'aujourd'hui, on dit on a fait une ligne rouge, elle a été traversée. Si nous ne réagissons pas, nous n'aurons plus aucun poids. Lesseps, qui est à Suez, enfin à Smyrna, s'inquiète de la campagne de presse en Europe qui affirme que la liberté et la sécurité du transit par le canal de Suez est en danger. Il dément vigoureusement l'existence de ce danger. Mais Londres fait venir, enfin l'ambassadeur britannique à Paris prévient Freycinet qu'on pourrait étudier la question d'une occupation conjointe franco-britannique de l'isthme de Suez. Freycinet répond qu'à sa connaissance, il n'y a pas de menace sur le canal et qu'occuper le canal risquerait de conduire à une occupation totale de l'Égypte. Et la situation est telle quelle, pas de décision en Europe, des renforcements militaires, des campagnes de presse. Le consul de France au Caire voit une menace pan-islamiste qui serait liée aussi au Senoussi, à la confrérie Senoussia, qui se trouve en Libye et qui pourrait s'étendre à la Tunisie et à la Tripolitaine. L'amiral Korad, le français, dit qu'il faut donner une leçon à ces Égyptiens. Je cite, « Les janissaires modernes d'Arabie Pacha devront être détruits d'une façon ou d'une autre et ne sera qu'au prix d'une sanglante leçon que l'Égypte sera rendue à la civilisation et à la prépondérance européenne. Sans cela, c'en est fait de cette dernière. » Ce qui provoque l'agacement de Freycinet, qui rappelle le consul de France et qui en envoie un autre, M. de Vorges, remplacer Sienkiewicz comme consul. Donc c'est plus facile à écrire quand on passe à Vorges. Le 23 juin s'ouvre à Constantinople la conférence des ambassadeurs. Des six. France, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Hongrie et Russie. Toujours à six parce que ce sont les six signataires du traité de Paris de 1856. Donc c'est toujours la base des six. Alors le Piémont est devenu l'Italie et la Prusse est devenue l'Allemagne, mais on parle toujours des six en référence au traité de Paris. Le 25 juin, très noblement, les six signent un protocole de désintéressement. C'est-à-dire que s'ils font quelque chose, ce n'est pas dans leur intérêt et qu'ils n'ont aucune envie d'occuper, enfin de s'emparer de l'Égypte. Le 27, les Britanniques font un amendement au protocole, une réserve. Pendant la durée de la conférence, les puissances s'abstiendraient de toute entreprise isolée en Égypte sous la réserve d'un cas de force majeure telle que la nécessité de protéger la vie des nationaux. Très vite, il devient clair que Abdul Hamid refuse toute intervention militaire ottomane en Égypte. Il refuse même de participer à la conférence qui s'est ouverte à Constantinople. Alors, on a donc la situation très diplomatique. On a une conférence qui travaille sur un projet d'intervention militaire ottomane alors que les Ottomans refusent cette intervention. On a essayé d'expliquer, il n'est pas possible pour le sultan d'apparaître combattre des musulmans au profit de non-musulmans. Et à cette occasion, donc, Abdul Hamid fait rédiger un manifeste affirmant qu'il n'existe pas de tribalisme, kaumiyet en turc, kaumiyet en arabe, ou de nationalisme, jinsiyet en arabe, en islam. Obéir au khédive, c'est obéir au calife. Quant à la presse arabiste au Caire, elle dit que si les Ottomans interviennent, on se battra encore plus que si c'était des Européens. Donc, fin juin, début juillet, il y a dans l'air cette intervention militaire européenne qui n'est toujours théoriquement pas décidée. D'où une accélération de l'exode des Européens d'Égypte, accroissement des navires de guerre devant Alexandrie, puisque, par exemple, tous les navires de guerre américains en Méditerranée affluent à Alexandrie pour assurer l'évacuation des ressortissants américains d'Égypte. Pour mémoire, en dehors de la guerre de sécession, il y a toujours eu un détachement naval américain en Méditerranée au XIXe siècle. En général, il avait comme port d'attache les ports des Baléares, avec un accord avec les Espagnols de l'époque. Il y a aussi l'arrivée de nouveaux navires de guerre de Méditerranée, évidemment paralysée. Les femmes britanniques de Méditerranée, et puis l'économie égyptienne est paralysée. Les musulmans interprètent le départ des Européens comme l'annonce d'un bombardement imminent de la ville, ce qui provoque des tensions, ce qui provoque le départ d'autres Européens, ce qui provoque de nouvelles tensions. Vous voyez évidemment les mécanismes d'engendrement. Vous avez les spionites, les Anglais envoient en effet des officiers de renseignement sur place pour voir quelles sont les positions militaires de l'armée égyptienne. Vous avez donc un certain Tulloch, qui est un officier britannique de renseignement, mais pour la grande histoire, c'est pas lui qui compte, c'est son adjoint, un jeune officier plein d'avenir qui s'ennuyait à faire des relevés topographiques à Chypre et qui s'est éclipsé de son poste de Chypre pour rejoindre les Britanniques, c'est Horatio Kitchener. Et donc Kitchener et Tulloch, qui parlent tous les deux l'arabe, se font passer pour des Levantins dans le Delta pour relever les positions de l'armée égyptienne. Le résultat, c'est que de pauvres vrais Levantins se font lyncher par des Égyptiens qui les prennent pour des officiers britanniques, ce qu'ils ne sont pas. Mais il y a bien des officiers britanniques déguisés en Levantins qui font de l'espionnage. Quand le nouveau consul de France arrive en Égypte, l'amiral Conrad lui affirme que les Anglais cherchent manifestement à provoquer un conflit et que la flotte française risque de se trouver prise entre deux feux. En effet, Paris ordonne à l'amiral Conrad de ne pas citer aucune action sans ordre direct du gouvernement, à l'exception des mesures de défense, évidemment. Cela implique donc qu'en cas de danger, les navires français s'écartent des navires britanniques. Alors, tout va dépendre de l'attitude de Sir Beauchamp Seymour. Depuis plusieurs jours, il est revenu à la charge auprès de Londres pour dénoncer le danger que constitueraient les travaux égyptiens sur les fortifications d'Alexandrie. Le 3 juillet, il obtient de Londres l'instruction d'informer le gouverneur d'Alexandrie que la continuation des travaux ou toute tentative de fermer le port serait considérée comme un acte hostile et traité comme tel. Les Français interprètent immédiatement cette instruction comme l'annonce d'un bombardement imminent de la ville. À dire vrai, on n'en trouve pas d'autre explication, puisque selon le gouvernement égyptien, il n'y a pas de travaux de fortification en cours à Alexandrie et que les autorités consulaires britanniques demandent à leurs ressortissants d'évacuer d'urgence Alexandrie et le Caire dès que le signal sera donné. De son côté, la porte, la sublime porte, envoie un télégramme urgent aux Égyptiens d'Alexandrie disant « Cessez de faire de travailler sur les fortifications s'il y a des travaux. » Mais en fait, il n'y a pas de travaux de fortification d'Alexandrie. Dilk, je ne sais pas comment on prononce cet individu, qui est à Londres, lui informe directement le Khedive des différentes résolutions du gouvernement britannique court-circuitant la voie officielle et consulaire. Les instructions de Seymour lui permettent d'agir sans les Français si besoin est. Le 5 juillet, le gouvernement britannique autorise Seymour à adresser un ultimatum si les travaux continuent. Les Français refusent de s'associer à cet ultimatum parce qu'ils ne voient pas de travaux en cours. En conséquence, la flotte française reçoit l'ordre de se retirer du port d'Alexandrie tout en restant dans les eaux égyptiennes. Alors on a d'abord pensé à aller se retirer à Boukir, mais d'une part, ça laisse des mauvais souvenirs aux Français à Boukir, D'autres, parce que là, la flotte française a été coulée par les Britanniques en 1798, et puis il n'y a pas de télégraphe à Aboukir. Donc, les Français décident d'aller à Port Saïd, où ils pourront rejoindre le prochain poste télégraphique. Les Anglais expliquent qu'ils sont en position de légitime défense, ce que dit Lord Grenville, donc le ministre des Affaires étrangères, à Tissot, qui est l'ambassadeur de France à Londres. Le cabinet de Londres ne pouvait pas, en ce qui le concernait, assumer la responsabilité de mettre en danger ni des bâtiments anglais, ni même la vie de quelques marins anglais. Il se considérait dès lors comme dans le cas de légitime défense et ne croyait pas manquer aux engagements pris dans l'absence de la conférence. Répondant ensuite à l'observation que les travaux de fortification, d'après nos nouvelles, étaient suspendus, Lord Grenville m'a dit que le sultan venait effectivement de télégraphier à ce sujet dans les termes les plus énergiques, mais qu'il était impossible d'avoir la certitude que ses ordres seraient exécutés, alors qu'Orabi Pacha, etc. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de travaux. Ce qui complique la lecture des archives, c'est qu'après le 5 juillet, le gouvernement britannique semble se désintéresser complètement du comportement de l'amiral Seymour, ou plus exactement, affecte de croire que ces canons constituent une réelle menace pour la flotte britannique. Le 7 juillet, les consuls généraux se réunissent à Alexandrie, sauf le représentant britannique, et les consuls écrivent à l'amiral pour lui faire remarquer les dangers que courra la population chrétienne indigène et les pertes énormes des propriétés européennes qu'entraînera le bombardement. On ne parle pas du reste, évidemment. Les autres populations et propriétés ne sont pas concernées, les consuls, et les consuls, visiblement, ont des doutes sur la sincérité britannique. Nous croyons tous que ces exigences successives sont des prétextes pour avoir un motif d'attaquer avant la décision prise par la conférence de Constantinople. La réponse de Seymour, c'est « évacuez vos ressortissants ». Néanmoins, le bombardement à venir ne concernera que les fortifications. Le 9 juillet, les Britanniques donnent l'ordre aux derniers Européens, enfin laissent un délai de 24 heures aux derniers Européens pour quitter la ville, et la mission ottomane avec Dervish Pacha quitte l'Égypte. Et le Khedive, lui, un entretien blâme avec le consul de France, blâme l'ignorance du gouvernement égyptien et donne l'impression de s'accommoder de toute intervention étrangère. Mais il semble seul au Caire aussi de se préoccuper à ce qui se passe dans le Soudan. Je cite, « Il m'a entretenu des désastres éprouvés dans le Soudan par les troupes égyptiennes. 7000 Soudanais ont défait l'armée et lui ont pris 4 canons et 1500 fusils. On fortifie Khartoum qui pourrait être prochainement assiégé. » C'est-à-dire que l'insurrection mahdiste soudanaise vient de se déclencher. Et les Égyptiens vont non seulement avoir une intervention européenne, mais une révolte soudanaise. 8 cuirassés britanniques se mettent en position de tir devant le port d'Alexandrie. Le 10 juillet, Seymour envoie un ultimatum demandant que les forts soient livrés aux militaires britanniques. Et il a demandé de l'autorisation de faire ça à Londres. Mais il a envoyé ça le dimanche. Or, le dimanche, il n'y a pas de gouvernement britannique dans cette période. Ils sont tous dans leur résidence campagnarde. Donc, Hitler fera la même chose, il fera tous ses coups le week-end. Parce qu'il savait qu'il faudrait 48 heures pour que Londres réagisse. Et donc, ce n'est pas le hasard qu'on ait choisi le dimanche pour demander des instructions. De toute façon, le principe, c'est de présenter l'affaire comme de la légitime défense. Le gouvernement égyptien, présidé par le Khedive, rejette l'ultimatum et offre de retirer 3 canons du seul fort qui couvre la flotte. Il propose une mission d'inspection britannique pour montrer qu'il n'y a pas de danger. Mais le Khedive semble-t-il a joué double jeu parce qu'en même temps, parallèlement, il aurait demandé secrètement aux Britanniques d'intervenir, de bombarder la ville. Les derniers nationaux français évacués, la flotte française quitte Alexandrie pour Port Saïd. Au matin du 11 juillet 1882, les cuirassés se mettent en position de tir. Seymour a installé son commandement sur l'Invincible, le bâtiment le plus récent de la flotte. Les forts égyptiens ont reçu pour instruction de ne pas ouvrir le feu. Les premiers, la disproportion des forces est absolument écrasante. À part quelques pièces récentes, les pièces égyptiennes n'ont pas les moyens d'inquiéter des cuirassés de dernière génération. Alors, donc là, vous avez le bombardement d'Alexandrie. Là, vous voyez des grands panaches blancs parce que le bombardement d'Alexandrie, c'est un des derniers épisodes de la poudre à fumer. Puisque à partir de la fin des années 1880, on a inventé la poudre sans fumée, ce qui change complètement toutes les conditions de bombardement. Tandis que quand vous tirez avec vos canons avec la poudre de 1882, au bout de quelques coups de tir, vous ne voyez plus rien. Parce que c'est vos canons qui vous font brouillard. Alors, comme on note un rapport des artilleurs français de la revue d'artillerie, tome 20, avril-septembre 1882, on a de bonnes lectures ici. Dans de pareilles conditions, quel que fût le moral des défenseurs, le bombardement ne pouvait être et n'a été, comme le disent tous les journaux anglais, qu'un véritable exercice de tir, dans lequel la flotte a procédé méthodiquement à la démolition de tous les ouvrages, ce qui lui a permis de se rendre compte des effets produits, aussi bien sur les terres que sur les maçonneries, par les gros projectiles de ses bouches à feu, et en particulier par ceux des canons de 80 tonnes de l'inflexible, qui pour la première fois prenait part à une action de guerre. Alors vous notez que c'est encore la navigation mixte, puisque ce sont des cuirassés qui sont à voile et à vapeur. L'ouverture du feu a lieu à 7 heures du matin, et donc il résulte que la première salve, après la première salve, les artilleurs britanniques ne voient plus rien à cause de la poudre, d'où des tirs parfois hasardeux et la nécessité de temps à autre d'arrêter les tirs pour que les nuages se dissipent, pour savoir sur quoi on est en train de tirer. Vous voyez, c'est le problème de la poudre. La poudre sans fumée sera inventée en 1884 et généralisée, ce qui sera une modification complète de toute l'arme de l'armement en Europe et dans le monde. Donc, les batteries égyptiennes ont répondu sans grand effet et le bombardement dure la plus grande partie de la journée. En pratique, une bonne partie du bombardement loupe les objectifs et tombe sur la ville. Les Anglais ont tiré 3782 obus, plus les tirs des mitrailleuses. Les Égyptiens ont bien tenu sous le feu. Les assaillants eurent situé, les défenseurs au moins 150 morts et probablement bien plus. Durant le bombardement, ce qui reste de la population européenne est exposé à des violences de la part des habitants de la ville. Surtout, on arrive à un terrible engrenage. Les obus anglais ont provoqué des incendies dans la ville, ce qui attise la colère des habitants et provoque l'exode d'une partie de la population. C'est généralement dans ces cas-là la population la plus aisée qui fuit. Le 12 juillet, les autorités militaires égyptiennes tentent de négocier un cessez-le-feu, ce qui permet de retirer les dernières troupes égyptiennes de la ville. Au soir du 12 juillet, il n'y a plus de force de maintien de l'ordre à Alexandrie et les pillages commencent. Ils sont accompagnés d'incendies. Des soldats en retraite participent au pillage, même si des officiers tentent d'imposer la discipline. Les violences viennent essentiellement du prolétariat d'origine rurale, qui fait le gros de la population dite indigène. On parle aussi de bédouins qui seraient accourus pour participer à la curée. C'est très difficile de déterminer l'exactitude de cette information parce qu'entre Fellah et Bédouin, il y a une haine terrible et qu'en Égypte, quand il y a quelque chose qui ne va pas, en particulier dans la région d'Alexandrie, on dit que de toute façon, c'est la faute aux Bédouins. Il faut ajouter aussi qu'on parle de pétroleuses, c'est-à-dire de femmes allumant des incendies avec du pétrole. Probablement qu'il n'y en a pas. C'est un fantasme né de la Commune de Paris en 1871 et qui est répercuté à Alexandrie en 1882. En 1884, Ninette accusera le Khédive d'avoir fait venir les Bédouins et certains éléments étrangers, en particulier des Grecs, d'avoir allumé les incendies afin de profiter ensuite d'indemnisations qui seraient hors de proportion avec les destructions des biens réels. Ce sera un thème récurrent chez les anciens Orabis, comme chez, par exemple, Blount Orabi, enfin Ninette, Mohammad Rabdo, feront cette accusation que ce sont les Grecs qui ont allumé les incendies pour faire d'escroquer à l'assurance, en gros. La répression postérieure incriminera un certain nombre de chefs de guildes, ce qui pourrait indiquer une certaine forme d'encadrement de la violence. Mais on peut aussi supposer qu'il s'agit là de sanctions pour avoir laissé faire l'émeute. En tout cas, le résultat des événements est catastrophique, puisque Alexandrie est complètement dévastée, avec l'incendie qui se termine le 13 juillet 1882. Et donc les Britanniques, malgré les avertissements des consuls, se trouvent complètement dépourvus face à l'évolution de la situation, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'instructions. Ce n'est que le 13 juillet au matin qu'un premier détachement de soldats britanniques, de marines américains, pardon, parce que les navires américains étaient là à côté, ils n'ont pas tiré. Donc c'est des US Marines qui débarquent les premiers à Alexandrie le 13 juillet pour s'assurer de l'état du consulat américain, qui débarquent les premiers et qui voient la catastrophe. Le 13 juillet, donc, Londres donne l'ordre à Seymour d'envoyer des forces à terre pour établir l'ordre et éteindre les incendies avec des exécutions sommaires de gens jugés sur place, vrais ou faux, comme étant des incendiaires. Donc vous voyez ici les Anglais Alexandrie, exécution des incendiaires, gravure d'époque. Toutes ces gravures sont de la presse française, hein, ce qui vous montre qu'on est déjà dans une époque où on a une information pratiquement au jour le jour, avec, non pas encore des photos, mais des gravures tirées des photos. Non seulement on est en temps réel, mais on a aussi une représentation graphique rapide des événements, même si honnêtement, cette gravure rappelle aussi certains Goya. Donc on peut voir aussi une certaine imagination de la part du dessinateur français. Il faudra plusieurs jours pour rétablir complètement l'ordre, d'autant plus que ce n'est qu'à partir du 17 juillet qu'arrivent les premiers contingents britanniques venus de Malte, qui eux-mêmes venaient de Grande-Bretagne, ce qui permet à Seymour de prendre le contrôle de la ville et de faire partir les marins étrangers qui avaient débarqué pour maintenir l'ordre en même temps que les Britanniques, c'est-à-dire des Américains, des Italiens et des Grecs. Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e, le bombardement d'Alexandrie et la révolution ourabiste. Le 11 juillet commence la dernière phase des événements, ce qu'on appelle techniquement parlant la révolution ourabiste, entre guillemets, puisque le terme de révolution a été un terme retenu par la postérité, mais très peu utilisé par les contemporains. Mais bon, dans l'histoire, c'est devenu la révolution arabiste, même si les acteurs, eux, n'ont pas utilisé le terme de ce point de vue. Donc, le gouvernement égyptien avait proclamé la loi martiale dès le 11 juillet, avec possibilité de réquisition, et annonce que, à cause du bombardement, l'Égypte est de facto en état de guerre avec la Grande-Bretagne. Le 12, Wahhabi et Khedive ont eu une entrevue orageuse en présence de Dervish Pacha, avant que celui-ci quitte l'Égypte. Mais à ce moment-là, on aurait demandé une trêve aux Anglais, tandis que le palais du Khedive, qui est à proximité d'Alexandrie, est entouré de soldats. Et le Khedive proteste avec véhémence et obtient que Dorabi, ce qui sera, montre que c'est un médiocre politicien, le rappel des soldats qui entouraient le palais khedivial. Le 13 juillet, Orabi prend position avec ses hommes à Kafr el-Dawa, à proximité d'Alexandrie, à proximité du canal Marmoudier, c'est-à-dire du canal d'eau douce qui relie Alexandrie au Nil, puisque Alexandrie se trouve techniquement en dehors du delta. Pourquoi Kafr el-Dawa? Parce que c'est un peu à l'intérieur, c'est-à-dire hors de portée des canons de la marine britannique. Le Khedive hésite entre revenir à Suez ou au Caire, et puis finalement le Khedive s'échappe et rentre à Alexandrie pour se mettre sous la protection de Seymour, ce qui fait que l'Égypte se trouve ainsi divisée en deux camps, celui des Khedives qui est passé aux Anglais et celui d'Orabi qui organise la résistance. Par dizaines de milliers, les réfugiés d'Alexandrie se dispersent dans le delta, ce qui provoque des émeutes contre les Européens présents dans cette région. 18 Européens seront ainsi tués à Tanta le 13 juillet. Des morts moins nombreux sont enregistrés dans d'autres villes. Des chrétiens sont aussi visés. Wahhabi Pacha fait tout pour interdire de tels actes. Au Caire, l'ordre est maintenu et les Européens et les chrétiens ne sont pas inquiétés. Le 17 juillet, Seymour fait afficher des proclamations à Alexandrie, affirmant qu'il a été chargé par le Khedive de rétablir l'ordre à Alexandrie, et le Khedive en même temps dépose Wahhabi de ses fonctions, le considérant comme responsable des événements, et le somme donc de se soumettre et de se rendre à Alexandrie. La réponse d'Arabi, c'est qu'il n'a fait que suivre les ordres du Khedive décidés le 10 juillet, et que, comme le Khedive est maintenant dans une ville occupée par les Britanniques, il ne peut plus être considéré comme libre de ses mouvements, et donc on ne peut plus lui obéir. Et Wahhabi envoie des télégraphes à l'ensemble de l'Égypte pour proclamer l'état de guerre avec la Grande-Bretagne, la trahison du Khedive responsable de la catastrophe, et une réunion générale de tous les notables de l'Égypte pour affronter la situation. Donc la première action est de rassembler une réunion générale des notables d'Égypte, environ 400 personnalités réunies au Caire à partir du 17 juillet 1882. Mohamed Abdo est le secrétaire de séance. Les religieux appellent à la déposition du Khedive et au djihad contre les envahisseurs incroyants. Les turco-circassiens se montrent plutôt légaliste, c'est-à-dire essaye de défendre l'autorité du Quédi, il faut noter qu'il y a dans cette assemblée des représentants chrétiens et juifs, mais des orateurs comme le grand orateur Abdallah Nadim, lui, fait de la défense de l'Égypte et la défense de l'islam une mission unique. Alors, l'Assemblée demande le rappel des ministres qui se trouvent encore à Alexandrie. Il s'ensuit des échanges de télégrammes, entre Alexandrie et le Caire. Et puis, finalement, l'Assemblée envoie une délégation pour essayer de négocier avec le Khédive. Elle est dirigée par un personnage dont on n'a pas eu le temps vraiment de parler, qui est Ali Pacha Moubarak, qui est un personnage intéressant, important dans l'histoire de l'Égypte, parce que c'est un Égyptien de souche, c'est un des premiers à avoir accédé au rang de ministre, et c'est aussi quelqu'un qui a écrit de façon considérable. Donc les écrits d'Ali Pacha Moubarak, en particulier son tableau de l'Égypte, Retatmos, est une grande référence pour la connaissance de l'Égypte de la fin du XIXe siècle. Jacques Berck l'avait abondamment utilisé dans son livre « Égypte, impérialisme et révolution ». Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'Ali Pacha Moubarak se rallie au Khédive et non pas au Rabi, ce qui permet de montrer que le clivage turco-circassien-égyptien de souche ne fonctionne pas à 100% durant la crise. Le 29 juillet, l'Assemblée se réunit toujours au Caire. Tout le pays est représenté sauf la côte méditerranéenne et la région du canal. Et cette fois, on considère que le Khédive et les ministres sont prisonniers des Anglais, donc ils n'ont plus d'autorité. Au signe intéressant, on décide qu'on n'utilisera plus que la langue arabe comme langue de gouvernement et non plus le turc ottoman, même s'il était maintenant d'un usage assez résiduel. Mais c'est une démonstration supplémentaire de l'arabisation de l'administration égyptienne au XIXe siècle. À partir de cela, l'Assemblée désigne un conseil de guerre, Majlis al-Orfi, qui va gouverner le pays durant la guerre. C'est avant tout une réunion de hauts fonctionnaires et pas un comité révolutionnaire. Et il renvoie, comme son nom l'indique, au droit coutumier, l'Orf, et en attendant la sanction de Constantinople. L'essentiel de l'infrastructure religieuse musulmane, mais aussi chrétienne d'ailleurs, s'est rallié au Rabbi. Il en est de même donc des gens comme Mohamed Abdou et en particulier aussi le jeune Sard Zarloul qui lui est très véhément dans ses attaques contre le Khédive. Vous savez que Sard Zarloul, 30 ans après, sera considéré comme le père de la nation égyptienne à cause de la révolution de 1919. Donc, c'est là, évidemment, il faut suivre le trajet. Les Coptes suivent le mouvement, mais exclusivement au nom de la défense de la patrie égyptienne et non pas de l'islam. Les fonctionnaires européens ont pratiquement tous quitté leur poste. Il n'y a pas d'utilisation, semble-t-il, dans les textes, on n'est pas trouvé, du terme « révolution ». Ce qu'on a, c'est évidemment « djihad », lutte contre l'infidèle, défense de la patrie égyptienne, mais il n'y a pas de mesure révolutionnaire. La seule, mais qui est importante, c'est l'abolition de l'usure rurale, et cette mesure touche directement les usuriers levantins, grecs en particulier, ou syro-libanais qui, dans le delta du Nil, opprime littéralement le paysana égyptien. Donc cette décision d'abolir l'usure rurale est évidemment très bien reçue du côté du paysana. Mais il n'y a pas de violence, après l'explosion de violence d'Alexandrie, il n'y a pas d'explosion de violence contre les Européens. À l'extérieur, Orabi se présente dans ses télégrammes comme défenseur de l'islam, mais le sultan ne veut pas en entendre parler. Alors, du côté du Khédive, majoritairement quand même des turco-circassiens, mais des gens, comme tu dis, comme Ali Pacha Moubarak se sont ralliés à lui, puis toute la vieille classe politique, les Sharif Pacha, les Riaz Pacha, etc. Et de l'autre aussi, alors il essaye de recruter des soldats, donc il lance une campagne de recrutement dans les Balkans, mais le sultan Abdelhamid n'en veut pas, parce que ne serait-ce que parce que ça risque d'empiéter sur les capacités de recrutement de l'armée ottomane. Donc le Khédive se tourne vers l'Autriche-Hongrie, qui lui permet de recruter quelques Bosniaques musulmans, puisque la Bosnie-Herzégovine est occupée depuis 1878 ou 1879 par les Autrichiens. Mais c'est absolument pas suffisant. En réalité, l'autorité du Khédive ne dépasse pas le palais khédivial d'Alexandrie. Quant au sultan Abdelhamid, il lanterne toujours les Occidentaux en refusant d'envoyer une armée ottomane, mais en même temps, il condamne vigoureusement la révolte d'Ourabi, qui, selon lui, est une insurrection contre Dieu, les prophètes et les califes. Mais évidemment, les ourabistes dissimulent le message du sultan. Ourabi, lui, y réside à Kafrat Dawa et essaye de recruter le maximum de combattants égyptiens. Mais il faut bien avouer que la valeur de l'armée égyptienne a bien baissé depuis le début du Khédivia d'Ismaïl, en dépit des efforts fournis pour son armement, les réductions budgétaires, les oppositions politiques ont considérablement affaibli une armée. On peut certes lever des fellahs en masse, mais ils n'ont aucune formation militaire. Quant aux Bédouins, ils affluent, mais tout le monde sait que ce sont des purs opportunistes qui sont là essentiellement pour le pillage et non pas pour la défense de la patrie ou de l'islam. L'ami d'Orabi, le jeune Ninette, le Suisse, marque dans ses écrits l'enjeu, il publie ça dans la presse suisse. L'islam, selon notre correspondant, est en fermentation pour un réveil général qui ébranlera l'Angleterre, mettra fin à l'Empire ottoman, mais donnera à un calife vraiment souverain, à un vaste empire musulman de 200 millions d'âmes en Afrique et en Asie. Et là, évidemment, dans ce petit texte de Ninette, on retrouve les échos de Blount et d'Afrani, qui montrent bien qu'il y a bien une communauté d'idées dans l'entourage de Rabi sur une éventuelle remise en cause du califat ottoman. Alors, après avoir bombardé Alexandrie, les Anglais sont bien embêtés. Bon, l'arrivée des premières troupes venues de Malte a permis d'occuper Alexandrie, mais contrairement à ce qu'on pouvait attendre, les Égyptiens n'ont pas cédé. Et puis, d'autre part, il faut trouver un prétexte juridique pour intervenir. Et Londres va proposer à Paris, comme motif d'une intervention militaire, la protection du canal de Suez, et non pas à la restauration de l'ordre en Égypte. Le problème, c'est que personne ne menace le canal de Suez. D'autant plus, je vous le rappelle, que la flotte française est à Port Saïd et qu'elle circule librement dans le canal. Donc Paris propose que l'on saisisse la conférence de Constantinople, la conférence des ambassadeurs, pour obtenir un mandat européen prévoyant une occupation franco-britannique de la région à titre préventif. Car l'angoisse des Européens, c'est que les nationalistes égyptiens coulent des bateaux dans le canal et mettant fin pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à la navigation. C'est exactement ce que fera Nasser en novembre 1956, lors de l'intervention franco-britannique. Donc, il faut saisir les parlements des deux pays, puisque selon le système parlementaire dans les deux cas, ce sont des votes de crédit. Mais les votes de crédit signifient une décision politique. Donc la France voudrait avoir un mandat européen, tandis que les Britanniques sont prêts à agir sans mandat européen. Du côté français, Lesseps a fait savoir que le Khedive lui avait confié qu'il avait la preuve qu'Ourabi était un instrument de la porte pour mettre fin à la dynastie de Mehmet Ali et établir la victoire de l'islamisme sur les chrétiens. Et Lesseps demande donc une occupation française du canal, mais le consul de France n'est pas totalement convaincu et s'inquiète du discours tenu par Sir Beauchamp Seymour, l'amiral britannique, qui évoque le danger de l'excitation de la population égyptienne à Port Saïd. On ne veut pas une répétition de ce qui s'est passé à Alexandrie. Du coup, Lesseps, finalement, décide de renoncer à demander l'intervention française et se tourne vers Ourabi Pacha pour lui demander de garantir la sécurité du canal. Lesseps, par ailleurs, travaille toujours à essayer de maintenir la neutralité du canal de Suez, ce qui agace les amiraux français et anglais. Lesseps n'a pour lui que l'acte de concession qui évoque la libre circulation et le fait que, durant la guerre franco-prussienne des 170-71 et turco-russe de 1878, le canal avait été considéré comme zone neutre, mais ce n'est inscrit dans aucun texte international. Donc le 10 juillet, le gouvernement Freycinet a déposé auprès des chambres une demande de crédit pour accroître les moyens de la marine française en Méditerranée et couvrir le coût des mesures d'évacuation des ressortissants français d'Égypte. Mais cette première demande de crédit n'est pas suffisante et Freycinet s'est engagé à revenir devant les chambres parce qu'à l'époque on dit chambre des députés et sénat, donc les chambres au pluriel, n'est pas assemblée comme aujourd'hui sous la Ve République. Freycinet a dû prendre l'engagement de revenir auprès des chambres pour demander l'autorisation en cas où viendrait une intervention militaire. Mais à Constantinople, ni la Russie, ni l'Allemagne, ni l'Autriche-Hongrie ne veulent donner de mandat européen à l'occupation du canal, tout en reconnaissant la liberté d'action de la France et de la Grande-Bretagne. En conséquence, le 24 juillet 1882, les deux gouvernements déposent auprès de leur parlement respectif les demandes de crédit. Pour le gouvernement anglais, il s'agit d'obtenir l'autorisation de faire des préparatifs militaires qui le mettent à même d'intervenir en Égypte. On explique que l'on n'agit que pour le bien de l'Égypte, restauration de l'ordre et de la tranquillité, maintien de l'autorité du Khédive, développement de matières prudentes et judicieuses des libertés du peuple égyptien, quand il aura été libéré de la tyrannie militaire qui s'exerce actuellement sur lui. L'intérêt de l'humanité impose de mettre fin à la dictature militaire en Égypte. C'est pénible avec les Occidentaux, ils ont toujours de bonnes raisons morales pour intervenir. Les communes votent les crédits demandés par 279 voix contre 19. Les 19 opposants sont essentiellement des nationalistes irlandais et des radicaux les plus extrêmes de la Chambre. Les jours suivants, Gladstone affirme à plusieurs reprises que l'Angleterre est prête à assurer au peuple égyptien le self-government. Alors ça, jusqu'à la fin, le self-government sera toujours un problème pour les Français parce que c'est un mot qui, jusqu'à aujourd'hui, est totalement intraduisible en français. Encore aujourd'hui, self-government, quand on a parlé d'une autorité de self-government en Palestine, les Français n'ont pas très bien su ce que ça voulait dire. Dans l'entre-deux-guerres, la Société des Nations traduisait self-government par libre gouvernement. Et je fais une anticipation évidemment, mais en 1945, la Charte des Nations Unies définira les territoires sous colonisation comme des territoires n'ayant pas de self-government. Mais ça laisse toujours des problèmes de traduction. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e, le bombardement d'Alexandrie et la révolution ourabiste. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié « Oriental » aux éditions du CNRS et à la mi-février, il va publier chez Fayard « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux, 1768-1914 ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité. Demain, Henri Laurence nous présentera le débat en France sur l'expédition égyptienne et la campagne britannique pour Suez. Et tout de suite, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.